Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question d'un membre de la communauté. Peut-on être sûr qu'un bien va se louer? Cette vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien. J'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation, l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, en dessous ou au-dessus. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, peut-on être sûr qu'un bien va se louer? C'est une excellente question parce que c'est bien ce qui fait peur à la majorité des gens qui ne passent pas à l'action, c'est d'avoir un problème pour louer son bien et avoir une énorme vacance locative. Et par rapport à ça, j'ai envie de te dire, sur le principe, non, on ne peut pas être sûr. Maintenant, on peut limiter le risque. Comment on va limiter le risque? On va faire une étude de marché, numéro 1. C'est-à-dire qu'on va aller voir plein de sites, on va aller voir ce qui se passe sur le Bon Coin, combien il y a d'annonces. Est-ce que les annonces restent longtemps? Les annonces en location, est-ce qu'elles restent longtemps? On peut aussi mettre une annonce fictive pour tester le marché, voir si ça a l'air de mordre, s'il y a beaucoup d'appels. On va étudier tout ça. On peut aussi aller voir les agences immobilières pour se faire passer pour quelqu'un qui recherche un appartement en location. Donc si tu cibles les F2, tu en vas regarder. Moi, à l'époque, il y a très longtemps, quand je rentrais pour acheter, j'étais jeune à l'époque, et je rentrais pour acheter un appartement, on croyait que je voulais la location, on me disait tout de suite, non, non, monsieur, on n'a rien à louer. Bon, moi, je cherchais à acheter ma résidence principale. Donc, j'étais pas forcément intéressé. À l'époque, j'étais pas du tout en plus là-dedans. Si tu regardes une vidéo, je fais une interview avec Golwenn Tristan, tu verras un peu mon parcours et tu verras qu'au début, j'étais pas du tout dans ce mindset d'investisseur. Je te mettrai la vidéo dans le petit i en haut de la vidéo. Tu verras, j'étais pas du tout avec ce mindset d'investisseur. Et du coup, je faisais pas attention. Mais avec le recul, je me rappelle, il me disait toujours, non, non, on n'a pas de F2, pas de F3. Ça veut dire grosse zone, grosse tension locative. Là-bas, ton bien, si tu as un bien qui est propre, tu le loues sans problème, il n'y a aucune vacance locative. Donc, numéro 1, on va faire une bonne étude de marché. Numéro 2, et comme j'ai déjà dit souvent, la qualité. Tu as les locataires que tu mérites. Si tu donnes de la qualité, si tu fais du meublé, et tu fais du vrai meublé avec des choses de qualité, un électroménager de qualité, des meubles de qualité, tu vas avoir des bons locataires. Donc, si tu vas attirer de bons locataires et tu vas louer sans aucun problème. Tu fais de la qualité, tu attires du monde, c'est logique. Tu te démarques, tu fais du premium. Tu entendras tout le monde, les investisseurs qui réussissent, te dire il faut faire de la qualité. Parce qu'il y a tellement d'annonces, entre guillemets, pourries, que tu fais de la qualité, tu passes au-dessus et les gens, ils viennent directement chez toi. C'est aussi simple que ça. Et ça t'évite la vacance locative. Donc, tu ne vas pas faire un mois de vacances locatives par mois, tu vas rembourser largement les travaux que tu auras pu faire ou la gamme que tu auras pu prendre un peu supérieure au niveau de l'ameublement, au niveau de l'électroménager. Donc, on fait de la qualité. Dernier point important pour limiter le risque, on se met au juste prix. Donc, si on a fait de la qualité, on peut se mettre au juste prix supérieur. Donc, tu te mets dans la fourchette haute, mais tu restes dans le prix. Tu te mets à la place, tu regardes, pareil, tu revois l'ensemble des annonces et tu regardes un petit peu les prix. Si tu as fait des trucs de haute qualité, tu peux aller vers le haut, mais ne pense pas que ton bien est si exceptionnel que ça et que tu pourras le louer 20% au-dessus de tous les autres. C'est pas possible. On est en haut, mais on reste dans un juste prix. Donc, résumons les trois étapes pour être sûr de louer son bien. Étape numéro 1, on fait une étude de marché complète. Étape numéro 2, on propose un bien de qualité, on fait de la qualité. Et numéro 3, on le propose au juste prix. Donc si tu fais tout ça, normalement, tu vas fortement limiter le risque de ne pas louer ton bien. Donc si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like, partage-la à des amis qui pourraient t'intéresser par l'investissement immobilier. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses. Interagis avec moi. Cela me permet de remonter dans les moteurs de recherche et de faire connaître au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant existe et est là pour aider les investisseurs à devenir rentables. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, bien évidemment, pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'est un contenu totalement gratuit. D'ici là, je te dis porte-toi bien et surtout, passe à l'action. Kiffe, fais-toi plaisir. Ciao, ciao! Thank you.